Seguiremos adelante, si jamás retroceder. Las banderas de combate como mantos cubrirán a los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. A los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. Ordenan atacar para vencer. Venceremos al fascismo sin jamás retroceder. Venceremos al fascismo sin jamás retroceder. Venceremos al franquismo en la batalla final. Camarada, muera Franco, viva nuestra libertad. Camarada, muera Franco, viva nuestra libertad. Voilà, bonsoir. Bonsoir, donc vous vous trouvez comme tous les vendredis soirs sur l'émission Tranche d'Anard qui a lieu de 21h à 22h30. Aujourd'hui, nous sommes très en avance, comme vous avez pu constater. 9h05, c'est génial. Les anarchistes ne sont pas trop tard. Donc, c'est bon ? Le micro marche. Donc voilà, notre adresse est toujours le 365A, chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez intervenir, c'est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Alors notre générique qui change de temps en temps. Là, nous avons passé un disque de El Comunero. On vous en avait déjà parlé la semaine dernière. Et de temps en temps, on va mettre des chansons comme ça, un peu au hasard, pour ne pas avoir toujours le même générique. C'est toujours un petit peu ennuyeux d'avoir toujours le même. Voilà, ce soir, nous avons Sandra, qui est parmi nous. Elle arrive de Uruguay. Et elle va venir nous parler de tout ce qui se passe un peu là-bas, notamment au niveau anarchiste. Et nous avons son ami aussi... Adriana qui vient là, qui va peut-être aussi dire quelques mots, peut-être, je ne sais pas. Bonsoir. Et Hans, Serge, bonsoir. Axel, bonsoir. Et Nicole. Voilà. Donc, je passe la parole à qui ? À toi. Ok. Sandra, merci d'être là, d'être venue, en tout cas. Il y a pas mal de choses qui se passent en Uruguay. On en entend pas. Peut parler de l'Uruguay, donc pour nous c'est de l'extérieur, de loin c'est un peu difficile d'avoir un vide ensemble. Il y a plusieurs choses, je vais juste prendre un sujet après l'autre. Donc depuis un certain temps il y a une assemblée, Une assemblée nationale permanente qui regroupe plus de 40 collectifs et individus. qui se sont réunis autour de la défense de l'eau, de la terre et contre tous les méga projets d'exploitation minière et autres. Oui, et dernièrement, il y a eu des tensions entre les autorités et cette assemblée, ou au moins les autorités n'aiment pas beaucoup. Non, évidemment que les autorités n'aiment pas beaucoup et les transnationales n'aiment pas beaucoup et tous les agents qui sont sur place, ils n'aiment pas beaucoup parce que d'abord, on a présenté tous ces projets comme qui étaient vraiment ces projets qui vont apporter le développement au pays, le progrès et la richesse. Et donc aussi, on a vendu ça vis-à-vis des gens comme quoi ce sont des projets qui vont procurer du travail pour le peuple uruguayen. Et donc ça a été difficile de lutter contre ça, parce que c'est les autorités, mais c'est tous les moyens de presse qui sont alliés pour une propagande qui est vraiment écrasante. Et c'est très difficile de lutter dans le bas en comptant qu'avec les quelques moyens alternatifs de diffusion. Et malgré tout, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que des différentes régions qui sont touchées par ces différents projets, qui comme partout provoquent le déplacement des populations, la contamination, l'exploitation, la prostitution aussi, tout ce qui se met autour de ces projets quand ils arrivent. Et alors, petit à petit, cette assemblée va se développer. Et la dernière marche qui a eu le mois de mai, il y a eu 15 000 personnes et des gens qui sont venus de différents parties de l'intérieur, de différents villages, villes et autres. C'est un phénomène assez nouveau parce que c'est un mouvement social qui est très divers, très diversifié dans sa composition sociale et aussi idéologique. Et maintenant, on peut parler de qu'il y a un mouvement. Et c'est bien le mouvement social le plus important à ce moment-là en Uruguay. Et c'est évident que le gouvernement, comme les entreprises transnationales qui sont là, ils font le maximum de leur part pour diviser, pour infiltrer, pour saboter, de toutes les manières qu'ils le peuvent. Aussi, bon, comment est-ce que se manifeste ça? C'est aussi qu'eux, ils organisent des conférences et ils amènent des conférenciers pour montrer aux gens les bienfaits qui viennent s'installer, une minière, une exploitation minière à ciel ouvert, les bienfaits de la soja, etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, il y a une contre-manif ou des gens qui sont présents dans ces endroits-là pour faire des scratchs et c'est systématique. Et donc, il y a une tension très forte. Et déjà, une tentative de criminaliser la proteste, de la mettre dans un endroit comme que c'est... C'est ces gens fous qui troublent l'ordre et qui ne veulent pas le progrès de la patrie. Donc c'est les conservateurs, en fait. Oui, c'est les conservateurs, conservateurs. Il n'y a pas de conservateurs et de conservateurs. Tout le monde est de droite, là. Parce que, tu vois, il y a une réputation que l'Uruguay a un gouvernement de gauche, mais bon, la gauche, c'est quoi? Il faut... D'abord ça, mais c'est un gouvernement qui a vendu pratiquement le pays, qui est d'une manière accélérée les dernières années. Et maintenant, toute cette exploitation, tous ces transnationales sont installées et c'est vraiment la catastrophe. Et en très peu de temps, ça va très vite. Oui, et la marche dont tu as parlé le mois de mai, quel était le thème de la marche? Et le thème, c'était sur le thème, l'accent principal, c'était sur le thème de l'eau, mais c'était aussi la défense de la terre pour ceux qui la travaillent, ceux qui l'habitent, etc., et contre l'installation de ces méga-projets. Et l'eau, l'accent était mis sur l'eau parce que c'est un thème qui vient d'exploser ces derniers temps. parce qu'il y avait déjà des problèmes, mais on ne voulait pas écouter les voisins ni les petites assemblées à gauche à droite et des gens qui ont des conséquences par les fumigations massives avec de glyphosate, anthracène et phosphore. Là, tu parles du soja transgénique. Du soja transgénique qui vraiment est en train de gagner partout le terrain. Alors, il y a des personnes, des habitants qui ont été fumigués et qui ont des conséquences physiques. Il y a des animaux et des animaux morts et des animaux qui boivent l'eau, des sources de l'eau qui sont morts. Et puis, on a constaté, il y a des voisins qui ont essayé de mener en avant des analyses de l'eau. Ils ont constaté que l'eau est fortement contaminée, qu'il ne serait même pas apte pour la consommer. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de autocensure. Et on ne peut pas s'opposer au gouvernement. C'est-à-dire qu'au niveau des académiciens et de la faculté de sciences, on garde silence, sauf un ou l'autre. Un ou l'autre, ils ont commencé à dire ce qui est advertir au gouvernement. Et puis, il y a toute la faculté des sciences qui a averti au gouvernement, qui a dit, bon, le problème de l'eau est sérieux. Attention, il faut chercher un plan B parce que l'eau n'est pas apte pour être bu. Et d'ici 5 ans, il y aura des problèmes sérieux, mais très sérieux. Alors, bon, évidemment, ça a sensibilisé plus les personnes qui payent cher déjà pour l'eau et payent de l'eau qui est contaminée. On paye de l'eau empoisonnée, c'est ça. Et alors, massivement, comme ça arrive toujours, les gens ont commencé à acheter de l'eau en bouteille, mais bon, qui est peut-être un peu moins pire, mais d'où vient l'eau? Parce que si ça vient de chez nous, des sources naturelles, il y en a. Mais ce qu'il y a, c'est que l'air, les cours d'eau et la terre est contaminée. Et voilà, je crois qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ça, c'est le sujet principal. Mmh. Si j'ai bien compris, dans la même répression, dans cette même vague de répression, à Montevideo, on a essayé de fermer une bibliothèque anarchiste. C'est-à-dire qu'à Montevideo, il y a un local qui était jadis la bibliothèque, que c'est toujours la bibliothèque Luce Fabri, hein, mais cette bibliothèque occupait une partie d'une maison où il y avait d'autres groupes ou ONG qui sont partis. Quand ces ONG sont partis, la maison était squattée, pour ainsi dire, et s'est ouvert un nouveau lieu sous le nom de la Solidaria. La Solidaria, c'est la maison solidaire. Et là, finalement, ça crée, comme on dit, un centre où beaucoup de gens se retrouvent, des collectifs, etc., etc., avec beaucoup de dynamique. D'ailleurs, plusieurs assemblées générales pour le thème de l'eau, de la terre et tout ont eu lieu là. Différentes coordinations, aussi des activités alternatives. Il y a une radio aussi, une radio qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps. Et donc, finalement, ça fait beaucoup de monde qui se passe, beaucoup de jeunes qui se réunissent. Qu'elle soit située où elle est située permet la solidarité parce qu'elle est très bien située dans le centre de la ville. Donc, quand il y a des campements, des gens qui viennent réclamer des choses, c'est en proximité, la maison est ouverte et tout. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe là qui fait partie de l'Assemblée. Et alors, je crois qu'on cherche aussi à que ces centres qui concentrent des gens et qui soient fermés. Ça ne plaît pas. Alors, donc un jour, mois de mai aussi, il y a eu 3 voitures de flics, avec pas mal de flics qui sont débarqués. Ils n'avaient pas l'ordre de perquisition. Ils ont essayé de rentrer à la maison en demandant aux voisins de passer par les toits. Et les voisins ont refusé. de laisser rentrer les flics. À ce moment-là, les copains ont appelé, donc il y a eu un réseau téléphonique et plusieurs personnes se sont rendues et deux avocats. Et donc, avec les avocats, ils ont dit, bon, vous n'avez pas une ordre de perquisition, qu'est-ce que vous cherchez, etc., etc. Bon, il y a un moment de tension quand les copains vont ouvrir la porte et l'officiel qui menait à l'opératif a photographié tout de suite ce qui était dans la maison. Il était assez violent, mais après, ils se sont calmés. Et ces copains, ils ont demandé qu'un de ceux qui ont signé comme occupant ou comme locataire, il a été convoqué à déclarer devant la justice. Et en fait, il leur reproche d'usurpation des lieux. Et donc, ses copains s'est rendu quand il était convoqué. Et les questions qu'ils ont posées n'avaient rien à voir avec l'usurpation des lieux, sinon qu'ils voulaient savoir quel type de groupe se réunissait là, quel type d'activité on faisait. Donc c'était un interrogatoire politique. Et bon, les choses sont là, tendues. Je ne sais pas s'ils vont être expulsés, s'ils ne vont pas être expulsés, etc. Il faut dire que les propriétaires de ces maisons, c'est des curés allemands, d'une église allemande. Bon, voilà. Et qu'ils veulent, maintenant, ils veulent récupérer les lieux. Je crois que très probablement, quelqu'un a mis la pression pour qu'ils soient délogés. Comme ça, ce local n'existe plus. Pure pecis male, cuciano quatanca, tiringen tsutsuki carania. Puisqu'on parle de la répression, tout à l'heure, tu nous as parlé, enfin, en dehors de l'antenne, d'une occupation de la Cour suprême et la forte répression qui a suivi toute une campagne de la presse. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Bon, en réalité, la justice, les juges et la police, et le gouvernement disent qu'il y a eu une occupation. En réalité, ce n'était pas une occupation, ce n'était rien de programmé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une juge, Mariana Mota, qui a été déplacée par le gouvernement, par même le pouvoir exécutif, le président, parce qu'elle avait à ce moment-là en main l'investigation de plus de 55 cas de crimes de lèse humanité commis pendant la dictature. Alors ça a fortement fait réagir les familles des détenus disparus, toutes les personnes qui luttent, une bonne partie du peuple qui lutte pour que ces crimes soient éclaircis, pour qu'il y ait justice, etc. Il y a eu un rassemblement de soutien à la juge devant la cour. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle arrive, toute la presse s'est bousculée sur elle, et les gens aussi, et les gens ont suivi pour l'accompagner, ils sont rentrés. Dans la cour. Et normalement, apparemment, c'est quelque chose qui ne doit pas se passer, ce n'est pas légal, je ne sais pas, mais il y avait 300 personnes dedans et qui criaient traite, justice, toutes sortes de slogans, les gens étaient vraiment très énervés et les juges ne pouvaient pas, mener à bien la session. Parce que tant que la cour est occupée, ils ne peuvent pas prendre des décisions. Donc, à un moment donné, il y a les flics qui viennent par ordre du ministre de l'Intérieur et ils rentrent avec tous les boucliers, le bazar et tout dans un lieu fermé, dans le palais de justice, dans la cour. Et alors, il y a eu un début de quelque chose, parce qu'en fait, les flics se comportaient comme si c'était en rue pour réprimer, or que c'était dans un espace assez restreinte et qu'en plus il était circulaire. Il n'y avait pas moyen de réprimer comme dans la rue, c'est quelque chose qui se passe. C'était chaotique, ça a duré 4 heures et demie. C'était un peu le jeu de chat et la souris. Il y avait plein de presse qui ont tout filmé, photographié, etc. etc. Bon, à la fin, il y a eu un ultimatum, il y a le chef de police qui est venu, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 0, sinon on réprime. Et là, c'était délogé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont présenté plainte et ils ont demandé toutes les filmations qui ont été faites. Il y a 80 personnes qui ont été à identifier et en premier lieu, ils ont dit que ces 80 personnes allaient être convoquées pour avoir un procès parce que on les accuse d'occupation d'un lieu public, etc., etc. Bon, c'est une peine qui est grave parce que si tu as un vrai procès de ça, c'est 5 ans de prison. Et alors, bon, finalement, ils n'ont pas convoqué les 80 personnes parce que je pense que c'était un peu trop, c'était comme une bombe. Ils ont individualisé 8. Et ces 8 personnes qui étaient les plus évidentes dans les corps à corps avec les flics qui ont fait des déclarations à la presse. Et la première étape de la convocation était tout à fait, ça faisait par téléphone. Sans ordre ni aucun papier, vous devez vous présenter à tel jour, à telle heure. Et il y a 2 photographes d'un journal et qui ont un, ils l'ont été chercher à son boulot et l'autre, il a été en pleine rue, en pleine journée, arrêté par quelqu'un, un flic, un civil, du département des opérations spéciales. Donc voilà. Ils ont suivi un interrogatoire qui n'avait rien à voir avec ceux de l'occupation de la cour. Ils cherchaient à avoir des responsables et des meneurs, mais après, On demandait pourquoi est-ce qu'on criait que le président était en traite, pourquoi ça, quel groupe était derrière. Bon, tout le temps, essayait des choses comme ça. Et normalement, la justice devait prendre une décision de condamner ou pas ces gens-là. Il s'est fait que, il y a eu tout un mouvement de solidarité, des gens qui étaient prêts à se présenter volontairement en disant « oui, j'ai été à la cour ». Et alors, ils n'étaient pas seuls, on doit nous amener en prison à tous. Et ce mécanisme se met en route. Il y a eu certains syndicats qui ont annoncé qu'aussi, ils s'arrêteraient, ils feraient une grève, etc., etc. Bon, alors il y a eu suspension de la décision. Et ça n'a pas arrêté, mais c'était suspendu. Bon, voilà, la chose est là. Et la juge Mariana Motta et toute une équipe d'avocats et d'autres juges et tout, ils ont quitté l'Uruguay, invités à Paris pour participer dans des colloques sur les droits humains, etc., etc. Ils ont amené cette dénonciation à la Cour interaméricaine des droits de l'homme et normalement l'Uruguay est sérieusement mis en question par sa politique dans cette matière-là. Et voilà, les choses restent là, statu quo. Il y a eu aussi le juge Garçon qui s'est rendu en Uruguay pour cette histoire-là, etc., etc. Mais entre-temps, il y a eu un match de football. Voilà, chose tout à fait important. Très normale. Hein? Match de football, ça va bien pour l'Uruguay. Il y a le match qui est gagnant. Les gens sortent fêter dans la rue, dans la principale avenue. Mais il y a eu une casse assez généralisée de beaucoup de magasins avec des vols et tout. Mais il se fait qu'à un moment donné, il y a un groupe qui se détache, qui disent que se détache, il file droit contre la cour et pendant une demi-heure, il y a eu une pluie de pierres, de cailloux, et ils ont pris les objets qu'ils avaient volés, cassé les vitres, rentré dans la cour et endommagé les ordinateurs et enlevé des ordinateurs même, etc., etc. Bon, ça a dépassé. Depuis lors, il n'y a que des spéculations. Donc, aussi bien les ministères, la police et les moyens de presse disent oui, il y avait des groupes radicaux qui n'avaient rien à voir avec le truc de football et qui ont profité de ça pour faire ça. De l'autre côté, il n'y a personne parce que de toute façon, ils n'ont pas pu identifier personne. Ils sont identifiés, oui, parce que les vidéos et tout, c'est très net, apparemment, les images qu'ils ont, mais ils n'ont pas réussi à dire, ah oui, il y a tel groupe politique, tel groupe politique. Non, donc, on ne sait pas. C'est une histoire qui n'est pas claire, qui pourrait être... au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas clair. Très probablement un montage, essayer de criminaliser pour justifier d'autres choses après, qui sait reprendre les procès, qui sait faire retourner l'image qui a cette cour très mauvaise par rapport à ça, juste au moment où on fait pression internationale sur elle aussi. Donc ça dit un peu le panorama de manipulation et d'amalgame qui y a avec toutes ces choses-là. Et ça mène directement à criminaliser tout ce qui est dans la contestation, dans les luttes, parce que tout de suite, tu as cette figure de radical. Oui, juste pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'Uruguay, je voudrais juste clarifier deux choses. C'est que si on parle de cette juge qui a été mise de côté, c'est parce qu'en fait, elle enquête sur les crimes qui ont été faits pendant la dictature. Et comme dans d'autres pays, comme l'Argentine et ailleurs, ça pose toujours problème parce qu'il y a eu des lois d'impunité, etc. Donc, c'est toute cette problématique. Et deuxièmement, Garçon, là, le juge, c'est le juge espagnol qui a poursuivi Pinochet quand il était en Espagne. Oui, mais il y a autre chose aussi, parce que hein, les choses sont très tendues à ce moment-là. Et apparemment, il a fait une conférence dans l'ONIF. Et il y avait des groupes qui l'ont accusé de fasciste parce qu'il aurait ordonné des tortures sur les Basques à l'époque. Et alors, donc, il y avait là des gens sympathisants, etc., etc., qui ont crié des slogans. Ils ont un petit peu saboté sa conférence. en disant aussi, oui, c'est très bien, il vient maintenant pour ces questions comme ça, mais qui est garçon? Donc, aussi, c'était un peu piquant à ce moment-là. Mais le public qui était présent était un public du Front élargi, parce qu'ils organisent des choses aussi pour qu'il y aille dans un certain contexte très contenu, etc. Et le public qui était là, présent du Front élargi, tout de suite, il a réagi, ah, il faut les sortir dehors, ce sont les radicales, etc., etc., les fouteurs de désordre, et blablabla. Bla, bla, bla. Donc, cette chose-là a marché à fond. Et maintenant, n'importe quelle chose qu'il passe, c'est les radicales. Et le Front élargi, en fait, c'est la coalition de gauche qui est au pouvoir. Oui. Il faut encore voir si on peut dire que ça, c'est une coalition de gauche. Ou c'est la gauche, qu'est-ce que c'est? Mais bon, parce que beaucoup de personnes regardent ça, si, un pays de gauche, un pays de gauche. Et personne ne sait répondre qu'est-ce que c'est de gauche. Mais ce qu'on peut dire clairement, c'est un gouvernement qui mène une politique néolibérale capitaliste à fond. En vendant toutes les ressources aux transnationales et qui appliquent les mêmes politiques de manipulation et de répression comme dans le reste du continent. Ça n'a que les variantes qu'il peut y avoir pour être le pays, un petit pays. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí. Le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ouais. Ce qui nous intéresse toujours aussi, c'est qu'est-ce qui se passe avec les syndicats en Uruguay. Bon, les syndicats, d'un côté, il y a la centrale ouvrière, le PIT-CNT, qui est une centrale qui est, je vais dire, main droite avec le gouvernement, et est officialiste. Oui, comme ça ne pouvait pas être autrement, puisque c'est surtout le Parti communiste qui depuis des décennies et décennies, il détient ça comme une dynastie à la centrale ouvrière. Et donc, c'est très difficile de s'opposer à ces gouvernements-là. Et des fois, ils le font, et ils le font parce que la pression de la base est très forte. Alors, ils sortent une déclaration, une bonne et une mauvaise. Ils essayent de garder l'équilibre comme ça, faire des petits arrêts de travail, essayer d'empêcher une grève générale, des choses comme ça. Mais les pressions ont été assez fortes. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur de la centrale, il y a des tendances qui veulent changer. Et ça a changé les rapports de force. C'est-à-dire, chaque fois, il paraît qu'il manque très peu pour que ça bascule, dans un certain sens, pour de mieux, dans la centrale ouvrière. Donc, il y a eu une année qui a été très conflictive, avec beaucoup de conflits syndicaux de toutes sortes. Hein. Il n'y a pas de secteur qui n'a pas eu de problèmes. En général, c'est des réclamations de salaire, pour la hausse des salaires et pour les conditions de travail. Que dans certains cas, c'est très grave, comme dans les ouvriers de la construction qui a tout le temps des morts parce que les entreprises, ils les font travailler sans aucune forme de protection, donc ils sont en train, c'est systématique chez eux, quoi. Aussi, dans d'autres cas, c'était la précarisation et empêcher que les gens se syndicalisent. Ça, tout ce qui est supermarché, chaîne de supermarché et d'autres types de magasins, que là où ils détectent que les gens pourraient s'organiser et être syndiqués, ils sont mis à la porte. Et aussi parce qu'ils sont obligés à vendre un maximum pour pouvoir garder leur boulot, et sinon ils sont éjectés. Et ce qui se passe, c'est que tu mets un pied dans un magasin et tu es vraiment poursuivi jusqu'à ce que tu achètes. Bon, tout des choses comme ça. Il y a un secteur qui est aussi très mal dans tout ça et qui concerne beaucoup de jeunes, c'est tous les jeunes qui sont employés dans les chaînes de supermarchés et les shopping et tout ça. Et ce sont eux, finalement, qui ont mené des luttes très novatrices, on peut dire, avec des moyens, en mettant des petites vidéos, en utilisant la pub, mais au sens contraire, avec une bonne utilisation de l'image et les consignes et tout. Et ça a marché assez très bien. Quelques fois, ils sont occupés. Je sais qu'il y a un jour, ils ont fait une occupation de 43 supermarchés en même temps. Et on parle que c'est la plupart des jeunes, très jeunes, qui n'ont pas un passé, certainement pas politique et encore moins syndical, qui sont à leur première expérience. Et aussi beaucoup de conflits dans la métallurgie. Et les ouvriers de la construction, la santé et maintenant l'enseignement. Parce qu'il y a une inflation très, très grande et les salaires qui avaient augmenté au début de la gestion de ces gouvernements sont devenus petits par rapport au coût de la vie. Et donc, et maintenant, cette année-ci, ça va être très dur parce que là, c'est le moment où on vote les budgets pour l'année, qu'est-ce qu'on va destiner. Et le gouvernement a déjà annoncé que ce sera zéro augmentation des salaires partout. Donc, ça a pété, c'est normal. et voilà. Et qu'est-ce que ça a donné au 1er mai? Au 1er mai, est déjà passé. Les prochains, c'est loin encore. Le 1er mai, ça donne qu'il y a 3-4 options de 1er mai, parce que c'est fragmenté. Il y a l'option officielle, qui est un strade très haut avec tous les dirigeants, et puis il y a des chaises blanches en plastique où il y a des gens assis très calmement, toutes les bureaucraties et des partis politiques invités, etc., etc. C'est bien coordonné, tout ça. Il y a eu des choses qui se sont passées, oui, parce qu'il y a eu des gens qui ont crié des slogans contre, et alors ils se sont fait éjecter et même tabasser par les services d'ordre, chose qui était après dénoncée. C'était des militants du PT, des partis des travailleurs, qui d'ailleurs font partie de la centrale ouvrière. Donc ça commence comme ça. Et puis il y a eu un autre 1er mai alternatif organisé par la tendance classiste et combative, que c'est un réagroupement des différents syndicats et qu'ils veulent une autre forme de syndicalisme et des associations d'étudiants et de pensionnés. Donc ça, c'était la tendance classiste. Et après, il y a eu le 1er mai anarchiste, que normalement, c'est aussi grand que l'officiel et que l'autre, en présence des gens. Et cette fois-ci, malheureusement, à l'heure où devait avoir lieu, c'était la drache d'Ille-Vienne. Donc, les gens se sont repliés devant une église évangéliste ou un truc comme ça qui était fermée, mais il y avait un toit. Donc là, ils ont branché les appareils, il y a eu les proclames, il y a eu des hip-hop, il y a eu toutes sortes de choses aussi. Et il y a aussi des petits 1er mai un peu partout, hein, dans différents villages, etc., etc. Et à côté de la centrale officielle, il y a encore d'autres syndicats qui sont actifs. Mais oui, mais c'est des agrupations syndicales ou des syndicats où il y a une majorité qui a une autre ligne. Il y a de plus en plus qui se réagroupent là-dedans, mais parce que là, c'est partagé les avis. Il y en a qui ont décidé de travailler en dehors, en créant cette autre option. Il y en a qui disent qu'il faut changer la centrale de l'intérieur même. Parce que en étant la centrale un outil ouvrière, il ne faut pas le laisser en cadeau aux progressistes et il faut essayer de changer la corrélation à l'intérieur de la centrale. Voilà. Mais ça progresse aussi bien l'alternative que ceux qui sont à l'intérieur, dans des lignes aussi critiques. Donc, voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup, déjà. Bon, de rien, et alors, ce sera pour une autre fois. Ben, on va encore passer une chanson d'Alfredo Zitarrosa, qui est un chanteur uruguayen très connu. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu? Bon, Alfredo Zitarrosa, c'est nous, et on le compare, c'est le Brel de l'Uruguay. Un poète absolument génial, avec des textes magnifiques, qui a composé énormément de choses, qui avait son propre ensemble de guitares qui l'accompagnait et tout. Et bon, c'était un communiste. Et lui, il était communiste, mais c'était une autre époque et c'était lui, avec un engagement très fort qu'il avait par rapport à la classe ouvrière, par rapport aussi à une ouverture d'esprit qu'il avait dans ses relations avec des gens qui n'étaient pas communistes. Il le dit même dans ses chansons. Et donc, c'est un référent très important de l'époque de la dictature. Il a dû s'exilier. Et aussi, quand il est rentré en Uruguay, il a fait un concert de milliers de personnes qui ont été l'accueillir, comme tous les chanteurs qui revenaient après la dictature, avec beaucoup de personnes dans la rue, etc., etc. Et bon, voilà, que ce soit les chansons d'amour, que ce soit les chansons de contenu social, et Alfredo Zitarrosa, ça reste un grand, et surtout un grand poète. Mais alors, on va passer à la guitare negra. Yes. Bueno. A bientôt. A bientôt, merci. Merci. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niños? ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas y otras. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía, cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Toca la guitarra negra, tócala, tócala. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su Baldomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mostaza, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio cercado por mi pueblo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida, temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto, y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido, y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul, colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res, que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res, que recibió el marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res, que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo, en plena frente, for export, del Uruguay. Del agua, una flor blanca luminosa de $15 se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta el chorro de agua y sube como bola en el aire. Está naciendo siempre mientras el agua canta en esa fuente del agua. Entre aplausitos, al compás de la orquesta, blanda flor blanca, acuosa, nostalgiosa en el aire, subida en los aplausos como espitada, hendida, empitonada, gime y llora en la noche, tira estrellas bailando bajo el humo, renace, llora por el chorro azul blanco de la fuente, como si fuera planta que la cría y que no es. Y sin embargo, así seguirá abriéndose, muriendo, hinchándose y flotando, mientras dure en la noche su belleza infantil de ingeniería, su blando corazón, bajo el foquillo fijo y lechoso, el gringo, el chorro de agua a precio, el aire de importación, esas hembras, el mozo, esos señores. Un buen rato ya que hoy trabajo y vengo acostumbrándome al desuso de mi alma, a la razón del enemigo, a mis 60 cigarrillos diarios, a las malas costumbres de mis canciones, que de algún modo siempre fueron nuestras, vos lo sabés, guitarra negra. Hoy reanudo en un cómico enderezo la hora de ayer parada en su nostalgia. Me hacen sufrir las alas que me puse para volar, mas grito y se alzan, gimo y me acompañan, río y baten de a dos, como que están amándose y se odian sin embargo mis dos alas. Se odian, se enderezan, se hacen amigas mías para llevarme por todas partes. Allá está la canción, aquí la nada, más allá el pueblo y más acá el amor. Pero el pueblo está también más acá, y antes estaba allá también, detrás del pueblo el pueblo. Hemos viajado por todos mis caprichos, y el pueblo osando el piso, amándose con alas como las mías, odiando su destino, odiándome y amándome sin alas, con millones de pies, con manos y cabezas y lenguas, y sus mil bocas dicen, ahora la suerte ya está hecha. Mariposa viene hacia mí en la calle, en el aire húmedo, por el aire húmedo bailando, por el aire agobiante, ominoso bailando, en el aire caliente. Y yo vi que no era mía quien buscaba, sino a la muerte. Y que no buscaba la muerte también vi, porque no era mariposa de la ciudad de hierro, ni nacida para eso, sino que era mariposa nada más, en la ciudad, presa y ya muerta de antemano, fatalmente, buscando en ese bailar loco y frágil un ala, un grano, una pizca de polen en el cemento. Porque la mariposa nace y no aprende nada hasta que muere, en cualquier sitio, herida de muerte por su semana justa, por su tiempo preciso, por su sordito de vida ya bebida. Eso no es tan triste. Triste es ver su cadena de huevos en el hollín, depositado junto a un río de aceite, a la sombra de las altas paredes de cemento, su cadena de huevos de seda. Falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay la respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación de la mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra, guitarra negra? Dice Enrique, mi hermano, que hay cierto perro hundido que se lame mansamente y nos lame lamiéndose una herida quieta allá al fondo, sentado en su escalón. Y dice más mi hermano, el otro Enrique en Praga, dice que amarte con certeza, hacerte enteramente hembra, darte lo que de vida tengan mis urgencias, será amar más y más a Jaime, amarlo más de veras, por su alma, su propio perro mordedor bajo el garrote, el cable, el puñetazo, la bolsa de artillera, el plantón y el insulto, la olvidada mejilla que no ponen ni él ni nadie a golpear, sino con Ambra y Rita y José Luis, con Gerardo y Raúl y Rosa y Sara y Mauricio y por todos vuestros muertos. Y he sabido, guitarra, que este otro perro que criaste, labrador, campesino, a veces manso o vigilante, que robe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también. Tal vez un día de soledad y rabia, de ternura o de algún violento amor, de amor sin duda.